Un mal. Chapitre 6. L'enclos où pâturaient les vaches du fermier Hulotte était à 10 minutes de la ferme. Les bêtes gagnaient la grande route, descendaient un sentier à travers bois, et par un pont jeté sur le ruisseau qui longeait l'herbe grasse de la prairie, entraient au pacage. Des piquets formaient une clôture tout autour, et le pré montait en pente douce vers le verger de la ferme des Osiers, sise au débouché d'un large plateau cultivé. À droite et à gauche, des talus s'élevaient, couverts de petits arbres, entre d'autres plus grands, hêtres et peupliers aux ombres déjà vigoureuses. La floraison lactée des pâquerettes répandait sur l'herbe une traînée de clarté qui se perdait près de la ferme dans le bleu du ciel. Et sur les berges du ruisseau, la bardane, le pissenlit, la valériane, la jacinthe sauvage, le populage, la renoncule des bois, avaient poussé en saines touffes éclatantes. Régulièrement, les vaches quittaient l'étable un peu après la piquette du jour, les coqs sonnant leurs fanfares. Elles demeuraient au vert jusqu'à midi. Puis, on les rentrait, une couple d'heures, et de nouveau, elles allaient à la prairie, y attendaient la tombée de la nuit. Aucun sentier ne traversant le pré, les vaches cornant de leurs mufles en l'air faisait entendre la seule rumeur qui se mêla au gloussement du ruisseau, sous les arbres balancés par le vent. Et Cachapré, escomptant ce grand silence, avait pensé qu'ils seraient bien là, tous les deux, pour causer ensemble, les yeux dans les yeux. Le bois s'élargissait à droite et à gauche, et un peu plus loin s'escarpait, prenant graduellement une dénudation sévère de forêt. Il se sentait autrement à l'aise dans cette solitude que dans les vergers toujours traversés par des pas. Par moments, il contemplait les rouges litières des feuilles sèches sous les hêtres, avec l'idée nette de deux corps roulant dessus. Une grande paresse molle avait pris ce travailleur de la mort. Une après-midi, il s'était allongé près du ruisseau à plat ventre dans l'herbe. Une de ses mains pendait à travers l'eau, faisant au flot tranquille un obstacle contre lequel moussait une écume légère. Les yeux noyés de somnolence, il regardait la transparence du fond se moirer sous lui de clarté de soleil. Des argires honnêtes remontaient la coulée, ramant par saccades furieuses. De très petits poissons les croisaient, rapides comme des éclairs. Les fonds s'encavant un peu plus loin dans une mare, des grenouilles renaclées, avec un bruit de gargarisme. Une chaleur d'étuve s'était abattue sur la campagne. Lui se sentait envahi dans cette immense torpeur qui saisit la terre au printemps comme une accouchée. Il se vautrait dans le pré avec la jouissance des bœufs cherchant le frais. Il avait besoin d'un calmant à la fermentation sourde de son corps. Des feuillages glauques, de la berge en fleurs, du ruisseau, montait une âcreté qui le rendait lascif. Des bâillements convulsaient ses mâchoires. Il se tordait les bras au-dessus de la tête ou serrait ses poings à les briser. Par moments, il se roulait dans les herbes, collait sa peau chaude contre leur moiteur, passait une feuille sur sa langue et des soupirs soulevaient sa poitrine. Un rossignol caché dans un coudrier chantait sur cette plaine solitaire. Tout à coup, les feuillages furent secoués d'une ondulation. Le coassement des grenouilles s'exaspéra. Et Cachapré vit le fond de l'eau, doré dans la minute d'avant, s'étamer d'un gris d'étain. Puis, des bouffées de vent chaud traînèrent au ras du sol, avec un froissement long des herbes heurtées, et un grondement roula dans la profondeur de la forêt. Les oiseaux maintenant se taisaient. Au même instant, une voix retentit dans le sentier par où descendait le troupeau, et la tache massive des vaches apparut à la barrière. « Uya !» criait la voix. Il se leva d'un bond, traversa la prairie et vit Germaine en train de lever les traverses. « Salut !» dit-il. « Il va faire gros temps !» Un éclair déchira le ciel et tout aussitôt de larges gouttes de pluie s'aplatirent sur les feuilles. Le tonnerre gronda. Subitement, la nuée crevait, s'écoulait dans une formidable averse. L'eau tombait par rayures droites, fouettant le bois d'un crépitement clair qui ressemblait à une musique de grêlon sur des vitres. Ils s'étaient réfugiés sous un arbre, l'un près de l'autre, se serrant un peu. D'abord, la pluie ne perça pas l'épaisseur des feuilles. Elle traçait tout autour du tronc un cercle brillant, laissant la terre sèche aux pieds. Mais les hautes feuilles se mirent bientôt à dégoutter sur les feuilles plus basses. Des filtrés d'eau glissaient maintenant de proche en proche, jusque sur eux. Il ôta sa veste. « Tiens, prends-la, dit-il. Moi, ça me connaît la pluie. J'en ai eu sur le dos de quoi remplir des étangs. » Et il la passa au cou de Germaine. Elle se laissait faire, un peu troublée au contact de ses doigts qui la frôlaient. Il se rapprocha d'elle. Leurs hanches se touchaient. Une rougeur chauffait leurs joues. Et résolument, il prit sa main, la garda dans la sienne. En même temps, il cherchait des mots. Il eût voulu dire quelque chose, mais sa langue demeurait inerte. Et à force de chercher, se violentant, il finit par bégayer. « J'en ai bien six comme ça. »« Quoi ?»« Six vestes, da. Oui, à la maison. Puis, j'ai une veste en velours, avec le pantalon et le gilet pareil, pour les dimanches. »« Tout ça ?»« Oui, et d'autres encore. Ah ben oui !» Il y eut un silence. Il chatouillait le creux de sa main, à petites fois lentes et douces. Alors ce fut elle qui éprouva le besoin de parler. Elle montra une vache noire et blanche très ballonnée. « Elle aura un veau ce soir, » dit-elle. « À moins que ce soit demain, on ne sait pas. Mais pour sûr, elle l'aura. » Et elle nomma ses vaches l'une après l'autre, raconta des particularités. La blanche avait coûté 600 francs. Les vaches étaient très chères. Elle s'était mis le dos à l'arbre, et se donnait des secousses d'arrière en avant, machinalement. Tout à coup, elle sentit une main remonter sous ses aisselles, et cette main cherchait à l'attirer. « Si tu voulais, dit-il, on serait une bonne paire d'amis. » Il la regardait d'en haut, plongeant ses yeux dans les siens, les laissant descendre ensuite dans son cou. Elle fit un mouvement pour se dégager, et vit qu'elle était tenue. Si c'était cela qu'il appelait être ami, ah bien non, elle ne voulait pas, et elle lui cria de la laisser. Il lui reparla de son caractère, de l'argent qu'il gagnait, de sa vie dans le bois. Et elle l'écoutait, les yeux vagues. « Oh, moi, dit-elle, je ne prendrai jamais qu'un homme à mon goût. Faudrait savoir alors quel est ton goût. » « D'abord, dit-elle, ce n'est pas que je tienne à l'argent, pour ça, non. » Il y a des gens que l'argent ne rend pas plus heureux. Comme moi, de l'argent c'est bon à riboter, aujourd'hui 20 francs et demain rien. Il y a des fois que mes poches sont remplies comme ça. Eh ben quoi, est-ce que j'ai besoin de rente, moi? On mange tout, à boire, à danser avec les filles, à faire le diable dans les villages. Et puis que je dis, il y a toujours le bois après. La pluie avait cessé. Des trouées d'un bleu lavé et doux s'apercevaient dans le haut du ciel. Tout autour, les nuages pendaient, déchiquetés, en masses lourdes qui s'effrangeaient sur les bords. Cette déroute d'orage finissait dans un ruissellement de clarté blonde. Des arcs-en-ciel brillaient à toutes les feuilles. Des égouttées d'eau ressemblaient à des chutes de perles. Il pleuvait à présent de la lumière le long des arbres, dans l'épaisseur des taillis. Et les fonds du bois scintillaient dans une large averse de lueurs et de rosées. Dans la prairie, les herbes avaient des ardeurs d'émeraude, des myriades de paillettes fourmillaient sous les feuilles, et une vapeur montée resplendissait au soleil comme une coulée de métal en fusion. Au bout de la prairie, le verger des osiers s'étendait dans une nappe d'or immobile. La terre ressuait le déluge qu'elle avait reçu. Une odeur vireuse monta alors, avec un relent de fermentation. Ils étaient restés sous l'arbre, n'ayant rien vu de la pluie qui cessait, du soleil qui allumait le paysage. Ils continuaient à se sourire, fixés sur place par une sensation indéfinissable. Et subitement, une voix appela dans le sentier. « Germaine !» Alors elle eut peur d'être vue avec lui. « Bonsoir » cria-t-elle. « Psst !» fit-il à demi-voix. « C'est dimanche kermesse au village. T'y viendras ?» Elle détourna à demi la tête et le regarda de ses yeux clairs, sans dire oui ni non.